ton corps et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu par le mariage, yes, yes. Comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme où mille autres hommes peuvent dessiner? C'est un scandale. Yes, yes. Oh. Yes, yes. Yes, yes. Le dos dehors, les seins dehors, yes, yes. Les cuisses dehors, yes, yes. Le nombril dehors, yes, yes. Pourtant c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Ayombade, le viasse viasse si a fini tout le monde. Ah, c'est pas vrai. Oh, le papa du Nino. Simane et Gato. Il ne te promet d'ailleurs, mais il y a un mané vivo. Ayombenda mané assis, même à Jonana Joye papa. Ayo ma janda ma kameru, ma jo nana jo e bamba. Ouais. Aba bona ni no ma besen, melumbu ya besen e bamba. Il tire sur tout ce qui bouge. Ma me benga jinga ben fam, ma me ya sen e bamba. On appelle ça semi-remorque. Azambe za bolobo, na vivo ni nine e bamba. Ya amenda mazambe te mamwa ye kone mbobe bamba.